Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 4e du troisième traité, 4e paragraphe. Amour de Marie envers les hommes. Tel est le commandement que nous avons reçu du Seigneur, disait l'apôtre Saint Jean, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère, son prochain, 1 Jean 4, 21. Ce commandement existe donc aussi pour Marie. Si elle aime Dieu, elle doit aimer son prochain, elle doit nous aimer. J'ai donc à parler de l'amour de Marie pour nous, mais que voulez-vous que j'en dise? Tel est le propre des grandes choses, que plus elles prêtent matière à l'admiration, plus il est difficile de les approfondir. Tout en Marie est singulier, tout est ineffable, en sorte qu'on n'y peut rien comprendre, ni rien en dire. Et qui jamais, ajoute Saint Bernard, dont nous venons de citer les paroles, qui jamais pourra mesurer, ô Vierge bénie, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de votre amour, de votre miséricorde, sa longueur égale la durée des siècles, durant lesquels vous serez toujours prête à voler, pleine de sollicitude, au secours de quiconque vous invoque. Sa largeur embrasse l'univers, de sorte que toute la terre est remplie de votre miséricorde. Par sa hauteur elle atteint le céleste séjour, dont les trônes, grâce à votre entremise et à votre intercession, réparent sans cesse leurs anciennes pertes. Par sa profondeur elle pénètre jusqu'au fond des abîmes, d'où vous retirez ceux qui sont plongés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, les âmes du purgatoire. Par vous le ciel se remplit, le purgatoire se vide, la céleste Jérusalem se relève de ses ruines. Ainsi vous êtes aussi riche en miséricorde qu'en puissance, et autant votre charité est vive et compatissante, autant elle est efficace et prompte à nous secourir. Saint Bernard, sermon 4 de l'Assomption numéro 8. Comment donc comprendre l'amour de Marie envers les hommes? Comment l'expliquer? Ah, nous pouvons bien nous réjouir des heureux fruits qu'il nous procure, mais non l'approfondir en lui-même. Nous pouvons être aimés de Marie, au-delà de toute expression, mais jamais apprécier combien elle nous aime. Pour parvenir à cette connaissance, il faudrait savoir en premier lieu l'étendue de l'amour qu'elle porte à son Dieu. C'est une vérité constante dans l'Église catholique, et parmi les docteurs, que la charité, l'amour de Dieu et du prochain, est une seule habitude de l'âme, une même qualité surnaturelle, et la racine d'où procèdent deux amours, l'un qui monte directement vers Dieu, et l'autre qui se répand sur le prochain. La charité est semblable à un beau palmier, qui, à mesure qu'il élève sa cime, étend aussi davantage autour de lui ses larges feuilles. Elle est semblable à une fontaine d'eau jaillissante, plus est abondant le jet qui s'élance vers le ciel, plus est grande la quantité qui retombe tout autour, bien plus, ces mêmes eaux qui d'abord jaillissaient vers le ciel, retombent sur la terre pour l'arroser et la fertiliser. Je ne sais si l'on pourrait trouver une comparaison plus propre à expliquer la nature de la charité. Une âme qui aime son Dieu lance vers lui une source d'eau jaillissante, elle dirige ses affections vers Dieu, comme l'objet premier de son amour, et ses affections arrivées au pied de son trône éprouvent une espèce de réfraction et reviennent se répandre sur le prochain. Il suit de là que l'amour du prochain croît dans une âme en proportion de l'augmentation de l'amour de Dieu. Il ne faut donc pas s'étonner si les âmes qui aiment Dieu nourrissent un amour si vif, si généreux pour le prochain. Il ne faut pas s'étonner qu'un Louis de Gonzague se fasse victime de la charité. en donnant sa vie pour le salut même corporel de son prochain, qu'un François-Xavier se transporte avec joie jusqu'aux extrémités des Indes, jusqu'au Japon, à travers mille périls et des fatigues sans nombre. Qu'il trouve un nouveau sujet de joie dans l'augmentation des peines qu'il endure par amour pour des âmes rachetées au prix du sang de Jésus-Christ, qu'un Paulin se fasse esclave pour racheter un de ses frères de l'esclavage, que le grand Paul soit, pour ainsi dire, prêt à renoncer à entrer dans la gloire qu'il se voit préparer, afin de secourir ses frères. Tous ces traits et bien d'autres n'ont droit d'étonner personne. Ces âmes aimaient Dieu, et l'amour divin les faisait brûler d'amour pour leur prochain. Et plus elles aimaient Dieu, plus leur cœur était embrasé de la flamme de la divine charité, plus aussi ils brûlaient de zèle pour le service du prochain. Afin donc de connaître combien Marie nous aime, il faudrait comprendre combien elle aime son Dieu, mais ceci, nous l'avons déjà dit, est tout à fait impossible. Force est donc d'avouer qu'il n'est pas moins impossible de comprendre combien elle nous aime. L'amour ardent que la Sainte Vierge nourrit pour chacun de nous, c'est toujours soutenu par le triple aliment que puise sans cesse son cœur maternel, pour ainsi dire, dans le triple regard qu'elle porte sur Dieu, sur nous, et sur elle-même. Si elle considère Dieu, elle voit cette charité divine, cet amour infini que Dieu même nous porte, elle nous voit gravé dans son cœur, elle voit ce céleste amant qui languit en quelque sorte d'amour pour nous. Elle voit que le Père Céleste, par un effet de l'excessive charité avec laquelle il nous aime, Éphésiens 2, 4, a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous racheter. Elle voit que Dieu, par amour pour nous, n'a pas épargné son propre Fils, Romains 8, 3, mais qu'il l'a livré à la mort. Elle voit le Fils éternel, le Fils de Dieu et le sien, expiré d'amour sur l'arbre de la croix, et y verser tout le sang qu'il avait puisé dans les veines de sa mère. Elle voit l'Esprit Saint toujours attentif aux besoins de l'Église, qu'il a épousé dans la foi et dans l'amour. Elle voit en un mot comment Dieu nous aime, et quel stimulant n'est-ce pas pour le cœur de Marie. Avec quelle ardeur ce cœur ne se porte-t-il pas vers des objets que Dieu a tant aimés? Qui pourrait le dire? Qui pourrait le concevoir? Si elle abaisse sur nous ses regards, que voit-elle? Hélas, elle voit des péchés, des ingratitudes, je prévois déjà cette réponse, elle est fondée, et nous nous en occuperons bientôt, mais laissons-la pour le moment. Qu'est-ce donc que Marie voit en nous? Elle voit des créatures formées à l'image de Dieu et à sa ressemblance, elle voit des créatures capables de connaître, d'aimer Dieu, de le posséder éternellement dans sa gloire et sa majesté. Elle voit des âmes rachetées par le sang précieux qu'elle a elle-même fourni, elle voit en elle le prix du sang et de la vie de son bien-aimé Fils Jésus, elle voit des âmes déjà marquées du sceau de la croix. Elle voit enfin autant de membres du corps mystique de l'Église dont Jésus-Christ est le chef, membra des membros, 1 Corinthiens 12, 2. Elle voit en nous autant d'enfants dont elle est devenue la mère depuis que Jésus-Christ s'est fait notre frère premier-né. Et n'est-ce pas là un aliment bien fort pour maintenir toujours vive dans le cœur de Marie l'amour qu'elle a pour nous? Oui, certes. Et l'on ne peut dire le contraire. Si elle se contemple elle-même, que voit-elle? Elle voit en elle-même la mère commune de tous les chrétiens. Elle se rappelle le devoir qui lui a été imposé par la divine providence, et manifesté par son Fils, alors que réduit à l'agonie sur la croix, il était sur le point de consommer le grand sacrifice qu'il devait faire de sa vie pour notre salut. Elle comprend bien toute l'étendue des obligations d'une mère, et d'une telle mère. Elle sait pénétrer quelles furent les intentions de Dieu en l'élevant à cette dignité, ce que voulait dire Jésus lorsque, se tournant vers elle, il lui adressa ces paroles, « Voilà votre fils, Jean 19, 26. » Et comment à cette vue, comment Marie, ayant toujours ce triple objet devant les yeux, pourrait-elle jamais se refroidir à notre égard? Comment voulez-vous que son cœur, sans cesse ranimé par ce triple aliment, ne brûle pas d'un feu toujours nouveau? Comment Marie pourrait-elle se lasser de nous aimer? Ah non, non, n'en doutons point, elle nous aime, et elle nous aime d'un amour constant, inébranlable, incompréhensible. Oui, ô Marie, vous m'aimez, que d'autres disent ou pensent ce qu'ils veulent, pour moi, c'est tout ce que je sais, vous m'aimez, mais combien m'aimez-vous, ô Marie? À cela je n'entends rien. Mais que m'importe d'y entendre quelque chose ou non? Qu'ai-je besoin d'en savoir davantage? Ne suis-je pas satisfait d'être aimé de vous? N'ai-je pas à me réjouir même de ne pouvoir comprendre l'étendue de l'amour que vous me portez? Oui, je m'en réjouis, et je me réjouirais moins si je pouvais le comprendre, car certainement en ce cas il ne pourrait être aussi grand qu'il l'est réellement, maintenant qu'il surpasse mon intelligence. Dis-moi, mon cœur, ne tressailles-tu pas en entendant dire que Marie t'aime? Ne tressailles-tu pas de joie? N'es-tu pas transporté hors de toi-même? Peux-tu entendre une plus douce parole que celle-ci? Tu es aimé de Marie? Ne voudrais-tu pas, ô mon cœur, aimer celle qui t'aime si vivement, qui t'a prévenu depuis si longtemps par son amour? À ta dureté serait impardonnable, si tu refusais même de payer de retour celle qui t'a aimé la première, confère saint Augustin. Oui, aimons Marie, parce qu'elle nous a aimé la première. Elle nous a aimés, elle nous aime, et elle nous aime d'un amour invincible, presque infini. Ô Marie, mère d'amour, dites ce que vous demandez de moi en échange de l'amour que vous m'avez porté. Je le sais, ma mère, je sais ce que vous voulez, je sais ce que vous demandez, je vous entends me dire intérieurement, mon fils, donne-moi ton cœur, Proverbe 23-26. Je veux vous le donner, que dis-je? Je veux vous le donner, mais je crains qu'il ne m'échappe des mains pendant que je vous le présente. Prenez-le donc vous-même, vous êtes puissante. Votre force triomphe de toutes les résistances, prenez-le donc, et faites-en ce que vous voulez. Il sera en sûreté, tant qu'il se trouvera en aussi bonne main. Markhamdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.